Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Reichel a fait tomber Leclerc, c'est la contre-attaque du grand Wayne Gretzky. Voilà Hardy, un tir de loin qui rate le filet. 17 secondes maintenant, c'est chose certaine. Le Canadien qui remporte sa 24e Coupe Stanley de son histoire. Et c'est l'équipe qui a gagné le plus de championnats dans le monde du sport. Toute discipline comprise. C'est terminé. Victoire du Canadien de Montréal qui élimine les Kings en 4 victoires contre une défaite. De hockey, on va parler avec notre ami Stéphane Lebeau. Salut Steph. Salut Danny. Ce que vous venez d'entendre, évidemment, ça se passait le 9 juin 1993, contre toute attente, le Canadien remportait la Coupe Stanley, remportait également la dernière Coupe par une équipe canadienne. Stéphane, au début des séries, est-ce que l'équipe était quand même confiante? Parce qu'ils affrontaient une grosse machine, ils affrontaient une ordi de Québec, là. Oui, la confiance était là parce que l'année, on avait connu une excellente saison régulière. On avait fini seulement à 2 points des Nordiques de Québec. On était de toute évidence pas l'équipe favorite pour remporter la Coupe, mais on avait eu des moments dans la saison régulière qui nous faisaient croire là, qu'on pouvait aspirer au gros trophée. On savait qu'on avait une tâche colossale devant nous autres dès le départ avec les Nordiques de Québec. Par contre, là, je me souviens très bien, à un moment donné dans la saison, on avait enfilé là, 10 ou 11 parties sans défaite dans la Ligue nationale. Et à ce moment-là, je peux vous dire là, qu'on se croyait parmi les meilleures équipes de la Ligue. Donc oui, il y avait une forme de confiance à l'aube de ces séries-là en 93. Qu'est-ce qui a fait la différence, évidemment? C'est ça se rappelle des 2 premiers matchs à Québec. Les Nordiques avaient sorti vraiment très, très fort. Et par la suite, ben, Patrick Roy avait fait une sortie. Puis ça reste mémorable, ça. Oui, c'est sûr que les événements de 93 se sont bousculés. Il y a un paquet de facteurs qui ont fait en sorte qu'on a mis la main sur ce gros trophée-là. D'un, on avait une équipe sous-estimée. On avait des joueurs de qualité, des joueurs matures avec beaucoup de leadership. Et ça a fait la différence. On avait beaucoup de profondeur. On était bien balancé entre l'offensive et la défensive. Tu le mentionnes, on avait Patrick Roy dans les filets. Une défensive quand même fiable, pas spectaculaire, mais fiable. Et comme je dis, 4 bons trios. Et le fait d'avoir commencé les séries contre Québec et tiré de l'arrière et on remonte la pente, je te dirais, Danny, que cette série-là contre Québec, c'était quasiment une finale avant la finale. On sait très bien l'engouement de la bataille de Québec et de Montréal à l'époque. Donc, c'était immense. Et ce momentum-là, cette émotion-là, nous a servi pour le reste des séries. Les Bruins de Boston, le net bête noire de l'époque, se font sortir par les Sabres de Buffalo. Mm. Donc, deuxième chance, si on peut dire. Et par la suite, bon, les favoris, Mario Lemieux, qui était en quête d'une troisième Coupe Stanley consécutive, ben, se font sortir par New York Islanders. Donc, on était bon. On avait des bons joueurs, mais en même temps, on a su profiter là, de certains bons favorables pour nous en 93. OK. Évidemment, là, on se rappelle de cette série-là. Et par la suite, en deuxième ronde, c'était les Sabres de Buffalo. Ça avait été facile, cette ronde-là également. Mais les Islanders de New York en troisième ronde, et ça, je dirais que ça a peut-être été la plus grosse... Il faut être chanceux, il faut que les as s'alignent. En 86, c'était les Oilers de Edmonton qui avaient été éliminés par les Flames de Calgary. Et en 93, c'était les Islanders qui avaient éliminé les Penguins de Pittsburgh, qui étaient la puissance. Les Penguins qui avaient connu une saison de 119 points. Là. Oui, exactement. C'était les favoris, surtout à l'époque que Mario Lemieux là, était peut-être le meilleur de sa carrière. Sauf que la différence parfois là, entre la meilleure et les 3-4 suivants, on prend n'importe quel tournoi, il y a toujours un favori, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le favori qui va gagner. Et si on le voit encore dans le hockey d'aujourd'hui, la parité, elle est omniprésente. Mais oui, c'était une chance, puis on ne se le cachera pas, là, lorsqu'on était cloîtrés dans notre chambre d'hôtel à l'époque dans le centre-ville de Montréal. On regardait le match décisif entre New York Islanders et les Penguins de Pittsburgh. Et lorsque New York Islanders ont gagné en prolongation, je peux te dire, Danny, qu'on était tous dans le corridor à sauter dans les bras, parce que non seulement on évitait les Penguins de Pittsburgh, mais on commençait avec l'avantage de la glace à domicile au Forum. Puis à ce moment-là, je pense que l'avantage de la glace rendu là, c'est quand même assez important. Ben effectivement. Et aussi, ce qu'il faut noter également, c'est Marty McSorley. Hein, c'était dans le deuxième match de la finale contre les Kings de Los Angeles. Le Canadien avait gagné au Forum le premier match. Et si je me rappelle bien, il tirait de l'arrière lorsque Jacques Demers a pris la décision de faire mesurer le bâton de Marty McSorley. Et j'écoutais ce matin, parce que c'était ce qu'il y avait d'une table ronde, là, j'écoutais ce matin une émission table d'hôte sur la Coupe Stanley. Et les gars disaient, Benoît Brunet entre autres, disaient que la plupart des joueurs à l'époque jouaient avec un bâton illégal. Bien, il y en avait plusieurs, c'était coutume. Ouais. Et c'était aussi la coutume de faire mesurer les bâtons. Donc aujourd'hui, ouais, c'est une stratégie qu'on n'emploie plus, mais à l'époque, c'était régulièrement, même en saison régulière, des fois en fin de match, l'entraîneur ou une équipe pouvait essayer de faire surprendre un joueur avec un bâton illégal. Donc les joueurs qui jouaient avec des bâtons illégaux, de notre côté, entre autres Vincent Danfousse, John Leclerc, il y avait avec eux aussi des bâtons légaux. Donc en fin de match, lorsque on sentait la soupe chaude ou le potentiel qu'on se fasse mesurer un bâton de hockey, bien, les joueurs changeaient du côté des Kings de Los Angeles. On avait deux candidats intéressants, Luc Robitaille et Marty McSorley. Et malheureusement pour eux, ils ont tombé dans le piège, ils n'ont pas changé leur bâton. Et tu fais bien de le mentionner, c'était un point tournant de 93. On fait mesurer le bâton, on compte, on partait 2-1 à ce moment-là. Éric Desjardins fait le 2-2. Il y a l'avantage numérique, ça n'allait pas trop bien à l'époque. Et par la suite, le même Éric Desjardins complète son tour du chapeau pour remporter en prolongation contre les Kings. Donc au lieu d'être 0-2, on égalise la série 1-1. Et c'est sûr là, que ça fait un gros changement peut-être dans l'issue de cette série-là. OK. Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs, les bâtons légaux? Aujourd'hui, oui, je dirais que, d'un, on ne appelle plus ce genre de pénalité-là parce que, justement, les bâtons, maintenant, sont plus permissifs. Puis c'est moins propice à ça. Les joueurs respectent davantage l'équipement qu'autrefois. OK. Stéphane, est-ce que par la suite, si on se rappelle bien, après le bâton, est-ce que les joueurs marchaient les fesses serrées? Parce qu'on devait se douter qu'à l'époque, Barry Melrose allait peut-être employer la même stratégie, hein? Ah oui, on le savait. Même avant que nous, on mesure le bâton, on savait que ça pouvait arriver. Donc, on était préparé à ça. Comme je dis, les joueurs avaient plusieurs bâtons illégaux, mais il y avait aussi des bâtons légaux. Mais le reste de la série, ça a tous été des matchs assez serrés, des deux matchs à Los Angeles. On se souvient que ça a été des matchs gagnés en prolongation. Donc, pour les Kings, pas de moyen de faire mesurer le bâton. Et le dernier match, 4-1, le match était hors de portée pour eux. Donc, ils n'ont même pas tenté, mais ça aurait pu arriver de toute évidence. OK. Stéphane, en ce moment, je vais faire une pause je veux te garder pour une question. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Stéphane Lebeau pour souligner les 25 ans... Du 22 au 24 juin, participe au week-end des Régates de Saint-Félicien. Les Régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au Régates de saintfélicien.com. On est retour à danazosport.com. Stéphane, je vais te garder pour une question. Ça fait 25 ans qu'une équipe canadienne n'a pas remporté de Coupe Stanley. La dernière fois, c'est la vôtre. Et quelle équipe que tu vois, prochaine équipe canadienne à remporter la Coupe? Bien, après une longue disette, je pense qu'on peut commencer à avoir des candidats intéressants. Ouais. Je pense aux Jets de Winnipeg, qui cette année, il y avait peut-être une équipe bien outillée pour aller loin. Malheureusement, ils se sont fait surprendre par Vegas. Sinon, j'aime bien les chances des Maple Leafs de Toronto. Il leur manque quelques éléments intéressants. Et toujours qu'on a McDavid également à Edmonton, là, ces trois équipes-là, dépendamment du fignolage qu'on va faire pour compléter ces équipes-là, pourraient aspirer à la Coupe cette année. Et malheureusement pour le Canadien, ça va prendre encore... non, mais ça me fait pas plaisir de dire ça, mais malheureusement, au moment où on se parle, il se trouve encore, selon moi, à des années-lumière de pouvoir aspirer à remporter la Coupe. Non, hier, sur les médias sociaux, Stéphane qui blaguait, il dit « Canadien, ce ne sera pas avant 2050. » Monsieur, fait que... Ben, on va être possiblement décédés, nos deux. Ben, il faut souhaiter du succès aux Canadiens plus rapidement que ça. Ben, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de travail à faire. Ouais. Stéphane, je vais te laisser sur le terrain de golf. On s'en parle bientôt. Bon, ben, très bien. Merci, Danny. Collaborateur.